chaud. C'est quoi le mieux pour décharger? La déchetterie, plat, comme ça on se met sur le tracteur. Plat? Ouais.